Chapitre 2e, le crime de la mère Mullard. La chambre, la mansarde, était misérable, mais fort propre. La femme, la mère Mullard, comme on l'appelait, était, au moment où Fouinard et Madame Crayot pénétraient chez elle, étendue dans son lit, les couvertures jusqu'au menton, le masque livide, les yeux creux au fond d'une cernure noire, les cheveux gris mal retenus par un bonnet de linge. Elle semblait n'avoir rien entendu. Ce visage émacié, aux os saillants, à la peau parcheminée, semblait le symbole de la douleur. Mme Crayou s'était penchée à l'oreille de Fouinard. « Hein ? C'est-il une phase de malheur ? » murmura-t-elle. Mais si bas qu'elle lui parlait, l'oreille subtile de la malade avait perçu un son. Elle ouvrit brusquement des grands yeux, où une flamme flamba. « Maman Mullard ! » dit vivement la portière. « Voilà M. Fouinard qui vient vous parler. » Elle tourna la tête, vit Toto qui la regardait avec son sourire de bonté. « Ah, monsieur » s'écria-t-elle, « c'est-y bien vrai, c'est vous, M. Fouinard, vous êtes venu. » Et elle faisait effort, comme pour se lever et se traîner jusqu'à lui. Mais il s'était vivement rapproché du lit. « Madame Mullard, » lui dit-il de sa voix qui était douce et pressante, quand il le voulait, « vous avez désiré me parler, me voilà. Qu'est-ce que vous avez à me dire ? À vous dire, oh, des choses terribles. Mais, » ajouta-t-elle en baissant la voix, « à vous seul. » « C'est-à-dire, » fit Mme Crayou, « que je suis de trop, pas vrai ? Oh, mère Mullard, je ne vous en veux pas. » La malade tendit vers elle sa main décharnée en balbutiant un remerciement. « Vous êtes bonne, maman Crayou. Moi, je suis ce que je suis. Mais le bon des bons, c'est Stila, monsieur Fouinard. » Fouinard et la moribonde restèrent seuls. Il s'était assis au pied de son lit, l'encourageant du regard. La confession fut longue, entrecoupée de sanglots, parfois de demi-syncopes. « Voilà, monsieur Fouinard, je suis une criminelle, une infâme. J'ai fait une des choses. Pourquoi il n'y aurait pas assez de châtiment ? Il y a de cela 7 ans, oui, 7 ans. J'avais mon petit, mon Thomas, qui avait alors 18 mois. Je n'avais pas été marié, j'étais en service. Vous savez ce que c'est ? J'avais eu confiance. On m'avait promis de m'épouser, puis on s'en était allé, sans même plus me regarder. Mes maîtres m'avaient mis à la porte. J'avais été à l'hôpital où on m'avait bien soigné. On m'avait proposé de mettre le petit à l'assistance publique. J'ai pas voulu. J'étais jeune, j'étais solide. Je me disais que c'était mon devoir de garder, de nourrir, d'élever l'enfant. J'avais eu la chance de trouver tout de suite quelque chose à faire au Halles, chez une marchande de fruits, une bonne femme qui s'était intéressée à moi et à mon gosse. Et il grandissait. J'étais si heureuse. Et voilà que la bonne femme est morte. Ça a été un désastre. Celle qui a acheté le fonds n'a plus voulu de moi. Et je me suis trouvé sur le pavé sans rien. J'ai pas perdu courage. Je me suis mise chiffonnière. Je faisais le turbin, en ayant toujours le petit avec moi, qu'il dormait dans une hôte. Un gros marchand de chiffons m'avait permis de coucher dans un coin de hangar au passage d'hier. Vous savez, tout au bout de l'avenue Clichy. Mais le métier était si éreintant. Et puis on mangeait quoi ? Moi, ça ne me faisait rien, mais le petit, il s'étiolait, il maigrissait. Et voilà qu'un jour, le médecin des pauvres me fait une scène. Oui, que j'étais une mauvaise mère, que je faisais périr mon enfant, que je ne pouvais pas le garder, qu'il fallait le mettre aux enfants trouvés, qu'on l'enverrait à la campagne, qu'il serait sauvé. Moi, ça me désespérait. Je voulais pas. Je sais bien que j'étais méchante, égoïste. J'avais que lui au monde. S'il s'en allait, autant me tuer tout de suite. Et des jours passèrent encore, et je ne me décidais pas. Je ne travaillais presque plus. On était en plein hiver, et de s'en aller chiffonner la nuit par la neige, c'était atroce. Mais il y avait encore une chose. Est-ce que le patron, trouvant que je ne lui rapportais plus assez, ne parlait pas de me renvoyer de mon chenil ? Ah, ça c'était le comble. J'avais envie de mettre le feu à la baraque, et de nous brûler tous les deux. Une nuit, que je grelottais, enveloppant le petit de mon corps en essayant de le réchauffer, j'ai entendu que quelqu'un se glissait dans mon taudis. « Qui est là ?»« Moi, Madame Mullard, Malva, un copain. » Malva, c'était un chiffonnier que je rencontrais dans mes rondes, qui était un soulard fini et une canaille. Il avait fait de la nouvelle. « Mais, qui que vous voulez, dans ces misères-là, on n'est pas difficile. »« Voyez-vous, Maman Mullard, qui me dit, pour cet enfant-là, faudrait du beau soleil. » et puis de la bonne nourriture, des vêtements bien chauds, un logis bien clos. Sans ça, il mourra, bien sûr. Du soleil, un logement, du bon pain, du bon lait, ça me paraissait comme un rêve, car ça coûte de l'argent. De l'argent, et j'avais 10 sous. Je disais ça tout en pleurant sur la tête du bébé, et il me semblait qu'il ne m'entendait pas. Mort, est-ce qu'il était mort? Non, ça ne pouvait pas durer. Ah, qu'est-ce que je n'aurais pas fait prendre à boire de cet argent maudit? Alors le chiffonnier me parla tout bas, tout bas. Je n'avais qu'à vouloir, et j'en aurais de l'argent. Voler? Tuer peut-être? Non, non, je ne voulais pas. Qu'est-ce qui vous parle de ça? Fit Malva. Pas voler, pas tuer, quelque chose de bien simple, pas 20 paroles à prononcer, et je recevrai de l'or, beaucoup d'or. Je sais bien, on dit qu'il faut résister à la tentation. C'est facile à ceux qui n'en sont pas là où j'en étais, avec sur mes bras un enfant qui était à l'agonie. Malva parlait, parlait. J'entendais qu'il me proposait 1000 francs, 1000 francs. Je ne savais même pas au juste combien ça faisait, mais ça me paraissait si énorme. J'ai eu comme un éblouissement. Mon petit, je la verrai comme un riche. Il aurait un tas de bonnes choses. Il serait rose, frais, il engraisserait. Et sans savoir quoi, j'ai dit oui. Et la malheureuse femme se tordait les mains et de ses yeux fous regardait Fouinard comme pour lui demander grâce. Continuez, pauvre femme, ayez le courage d'aller jusqu'au bout. La femme acheva sa sinistre confession. Un crime avait été commis dans une maison de la rue Pouchet, tout près de la cité d'hier. Une femme avait été assassinée, la femme d'un médecin, d'un savant. Elle ne savait pas trop quoi. On avait arrêté un vagabond, un rôdeur des fortifications. Ce qu'on demandait à la femme Mullard, c'était d'affirmer en justice qu'elle avait vu l'homme sauter dans la nuit de certaines fenêtres de la maison. Et elle avait consenti. Oui, j'ai accepté d'être complice de ce mensonge, avec ce malvat qui me donnait sans raison. Lui, il disait avoir vu l'assassin, mais il voulait que son témoignage fût corsé par le mien. Est-ce que je discutais? Est-ce que je raisonnais? Je ne voyais que la vie du petit. Et puis songez donc tout de suite, quand j'ai eu dit oui, on m'a donné 2 belles pièces d'or, en acompte. J'ai eu une chambre, un lit pour l'enfant, et je l'ai dorloté. Il était vigoureux. Il a repris tout de suite. J'étais si heureuse. Venez au fait, dit Fouinard. Je comprends combien cela vous coûte de parler, mais dites-moi tout le crime. Le crime, oui, oui, vous avez bien raison. Eh bien, un homme, un monsieur, est venu dans ma chambre et m'a appris une leçon par cœur. Je l'ai récité au moins 10 fois, et j'ai été appelé chez un juge qui m'a entendu, qui a compté comme vérité le mensonge que je lui faisais. Mais vous avez été mise en présence de celui que vous dénonciez? Ah, c'est ça qui fut le plus horrible, oui, j'en frissonne encore. Un grand beau garçon, qui avait des grands yeux bleus. Il était habillé en vagabond, des chaussures trouées, un long vêtement qui avait l'air d'une vieille redingote, et un chapeau de feutre mou. Le juge me demandait si je le reconnaissais bien, si c'était bien celui-là que j'avais vu sauter de la fenêtre. Et j'ai affirmé, oui, j'ai juré. L'homme s'est mis dans une colère folle, me traitant de menteuse de tous les noms. J'avais peur, j'ai failli me dédire. Mais le juge m'a encouragé, lui a imposé silence, et j'ai menti, menti. Et l'homme m'a crié, « Ça vous portera malheur. Oh, est-ce qu'il avait raison ?»« Et vous avez, demanda Fouinard, renouvelé votre déposition à la cour d'assises ?»« Oui, » dit la femme en baissant la voix. Là, ça a été encore plus horrible. C'était le soir, la salle était sombre, je voyais à peine le tribunal, les jurés. Je suis entré là-dedans comme dans une catacombe. Je devais recevoir mes 1000 francs en sortant. Je ne sentais pas de remords. Je m'étais habitué à mon crime. Le président m'a interrogé, mais lui, il avait l'air de douter de ma déposition. Il m'a fait répéter, 2, 3 fois. Je me souviens, c'était affreux, l'accusé debout, répétant, « Elle ment, elle ment !» Je me raidissais, disant entre mes dents, « Mon petit, mon petit !» Quand le président m'a dit, « Allez vous asseoir !» J'ai cru que je tomberais par terre. J'aurais voulu me sauver, aller me cacher. Mais il y avait trop de monde, j'étais cerné. Je cherchais à comprendre exactement de quoi il s'agissait, mais je ne saisissais pas bien les détails. Il y a eu une plaidoirie dans laquelle j'ai bien compris que l'avocat disait lui aussi que je ne disais pas la vérité, mais le président l'a fait taire. « L'homme a été condamné ?» demanda Fouinard. La Mullard eut un cri d'angoisse en se renversant en arrière. « Oui, oui, à perpétuité !» vous avez reçu vos 1000 francs. Je les ai reçus. » Il eut un long silence. Fouinard était très pâle. Il avait peine à se dominer. Tout à coup, il tressaillit. La femme avait sorti de ses draps, sa main osseuse, décharnée, et avait saisi la sienne, qu'elle avait portée à ses lèvres en l'inondant de larmes. « Pourquoi m'avez-vous raconté cela ? » demanda-t-il. « Pourquoi ? » s'écria la moribonde avec un éclat de voix. « Parce que le jour où j'ai commis cette infamie, j'ai été maudite. Ah oui, avec les 1000 francs, je me suis établie fruitière, et j'ai fait de bonnes affaires. Je me disais, tu étais une méchante femme, mais tu as sauvé ton enfant. » Il grandira, il sera heureux. Et savez-vous ce qui est arrivé? C'est qu'à 7 ans, à 7 ans, mon petit est mort, subitement, dans mes bras. Le châtiment, le châtiment! J'ai perdu la raison, oui. J'ai tout lâché, les affaires, l'argent, laissant tout à volo. Ah, je m'en fichais bien maintenant. On a tout vendu, tout bazardé, et je crève de misère et de désespoir. Vous ne répondez pas à ma question, insista Fouinard. « Pourquoi me dites-vous cela? Que voulez-vous de moi? Et que puis-je? »« Monsieur Fouinard, dit-elle, il y a là-bas au bagne un homme qui doit pleurer, souffrir toutes les morts. Tant que mon petit a vécu, je n'ai pas osé parler. Et pourtant, croyez-moi, il y a longtemps, longtemps, que j'ai ce fer rouge dans ma poitrine. Mais maintenant, rien ne peut m'imposer silence. Je vous demande, monsieur Fouinard, je vous supplie de sauver cet innocent que j'ai perdu. Sauvez-le. « Tirez-le de cet enfer, faites cela, ce sera une si bonne action. » Fouinard, ému, réfléchissait. « Avez-vous bien compris toute la portée de la demande que vous m'adressez? Que voulez-vous dire? Êtes-vous prête à vous avouer devant tous, comme vous l'avez fait devant moi, menteuse et infâme? Ah oui, je vous le jure! Pourquoi n'écririez-vous pas vous-même aux autorités? Vous expliqueriez qu'on vous a donné de l'argent pour payer ce mensonge, vous dénonceriez celui qui vous l'a remis. Je ne le connais pas. Crie la femme. « Pourtant, vous l'avez vu. »« Oui, mais la nuit, dans l'ombre, il avait autour de la tête un foulard qui cachait son visage. »« Soit. Mais celui qui a servi d'intermédiaire pour cette négociation effroyable, ce chiffonnier, ce malbat, qui a témoigné avec vous en cour d'assises. »« Oh, celui-là, je vous jure que je l'ai déjà cherché. »« Mais vous comprenez, 7 ans, 7 ans, et puis il n'ira. »« Que ferais-je, moi, une pauvre femme, une misérable ?» C'est quand je dirai la vérité qu'on me traitera de menteuse. Et puis regardez-moi, je vais mourir. Est-ce que j'ai la force nécessaire? Et si je meurs, qu'est-ce qui se souciera du malheureux de là-bas? Voyons, dit Fouinard, pas de mélodrame. Vous avez vidé votre sac, soyez plus calme. Vous avez fait quelque chose de ne pas propre. Vous voulez que je le répare? Merci du cadeau. Encore si je l'accepte, il faut que vous veuillez bien, sans phraser, répondre à mes questions. « Oh, interrogez-moi. À vous, je dirai toute la vérité. »« J'y compte bien. »« Attendez, » fit-il en tirant son calepin de sa poche. « Nous avons Malbat, chiffonnier. »« Avait-il un prénom ?»« André. »« Bien. Un signe particulier, quelconque, de quel pays ?»« Auvergnat. » J'inscris. « Grand, fort, ça va bien. »« Quel âge ?»« Dans les 30 ans. »« Il y a 7 ans. »« Vous ne l'avez jamais revu ?» Maintenant, beaucoup plus important, qu'était-ce que cette histoire d'assassinat? Vous avez dit la femme d'un médecin, d'un savant. Comment s'appellent ces gens-là? La femme poussa un cri d'angoisse. Mais je ne le sais pas, je ne l'ai jamais su, songez donc, j'étais à moitié folle. On me demandait de dire quoi? Que j'avais vu la nuit un homme sauter d'une fenêtre. Vrai, je crois qu'on ne m'a pas dit le nom de la morte. Et si vous croyez que je questionnais, je vous jure que je ne mens pas. Vous m'avez dit une maison au coin de la rue Pouchet. Oui, c'est bien cela. Même, on m'avait montré la fenêtre d'où l'homme devait être sorti, pour que je ne me trompe pas. Bien, tout cela s'est passé il y a eu 7 ans, le 22 décembre dernier. L'affaire a été jugée 3 mois plus tard, en mars. Cherchez encore à rassembler vos souvenirs. L'homme que le chiffonnier Malbat a amené chez vous et qui cachait sa figure, comment était-il? Il avait les cheveux blonds, plutôt rouges. Son front était très gros. Il était mis très simplement. Ce qui l'avait un peu étonné, c'est qu'il avait des taches sur ses vêtements, comme de brûlures. L'âge, la voix, il m'a fait l'effet d'être jeune, pas plus de 30 ans. Il a parlé bas tout le temps, la voix était comme voilée. Ah, j'oubliais, quand il m'a donné l'argent maudit, j'ai regardé sa main. Elle était bandée, comme s'il avait une blessure. J'ai noté tout cela. Ah ça, maintenant, madame Mullard, si vous voulez que je marche, et du diable, si ce sera commode, il faut que vous me promettiez une chose. Hélas, que puis-je vous promettre? Je ne suis plus qu'une loque. Possible, mais j'ai besoin que vous viviez. Il faut vous raidir. On ne meurt que quand on le veut bien. Dès ce soir, un médecin viendra vous voir. Vous lui obéirez. J'ai besoin de vous. Que diable. Vous vivrez. Donc, plus d'exaltation, plus de phrases. Dites-vous que pour réparer le mal, il faut beaucoup plus d'énergie que pour le commettre. Je vous promets. Oui, je vous promets. Quand je pense à ce pauvre homme. Mais non d'un pétard! S'écria alors Fouinard en se frappant le front. J'ai oublié de vous demander comment s'appelle ce malheureux. Oh, son nom, oui. Oui, je le sais. Il tinte à mes oreilles dans la nuit. Je l'ai entendu le jour où mon pauvre petit est mort. C'était comme un sifflement de vengeance. Il s'appelle Sordet, Mathurin Sordet. Promettez-moi, je vous en prie, promettez-moi de le sauver.